إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours 32 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le charh de Cheikh Zayd al-Madkhali hafizahullah. Et on est arrivé à l'endroit où le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il énumère les différentes formes d'adoration. Et c'est pas toutes les adorations, mais disons certaines d'entre les plus importantes formes d'adoration dans l'islam. Donc le cheikh, on a lu au dernier cours certains exemples. On a parlé de Ad-Dua, et on a parlé de Al-Khawf, hein, et on va parler maintenant de Ar-Raja. Ar-Raja, c'est-à-dire l'espoir. Ça fait partie aussi des adorations. Ça fait aussi partie des adorations importantes. Et les gens, souvent, ils pensent, quand on parle des adorations, ils pensent automatiquement aux adorations physiques. Hein, comme faire la salat, faire des doigts, faire le jeûne, des choses comme ça. Le hajj, ça c'est des adorations apparentes, des adorations physiques. Mais on oublie souvent que les plus importantes formes d'adoration sont souvent les adorations qui sont intérieures, c'est-à-dire les adorations du cœur. Et par exemple, al-khawf, hein, la crainte, al-raja, hein, l'espoir, al-hub, l'amour, hein, habbatullah, l'amour d'Allah, ça c'est un exemple, al-tawakkul, le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça c'est des adorations qui sont intérieures et qui sont à la base de l'adoration physique. Ton adoration physique, si elle n'est pas basée sur les adorations intérieures, elle n'est pas valable, ton adoration elle sera pas bonne, elle ne sera pas correcte. Donc il faut que ton adoration extérieur soit basé sur les adorations intérieures. Et c'est en fait quand tes adorations intérieures sont fortes, qu'elles sont bien établies, qu'elles vont te pousser à faire les adorations extérieures par la suite. C'est relié ensemble. Hein? Quand tu aimes Allah, tu l'adores. Quand tu le crains, tu l'adores. Quand tu as l'espoir en lui, tu l'adores. Quand tu mets ta confiance en lui, tu l'adores. Tu n'adores que lui. Tu t'écartes du shirk. Tu t'écartes de ce qu'il t'a interdit, et ainsi de suite. Tout ça, c'est... Hein, à la base, dans le cœur. C'est pour ça que, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de la foi, et at-taqwa, de la piété, il a dit, en pointant vers son cœur, il a dit, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna. C'est-à-dire, at-taqwa, la crainte d'Allah, ou le fait de faire ce qu'il t'ordonne, par crainte de son châtiment, et par espoir en sa récompense, ça c'est, hein, et de s'écarter de ce qu'il t'a interdit, ça à la base c'est dans le cœur. Hein? Ça commence par le cœur, mais c'est pas que le cœur qui compte, c'est aussi les actions extérieures, parce que les deux sont reliés ensemble. Donc tout ça c'est un exemple, et c'est pas juste des aspects comme on apprend, des choses qu'on apprend qui sont juste des choses théoriques, hein? Mais c'est des choses qui doivent être mises en application dans notre vie. Hein, dans notre adoration quotidienne. Hein? Et comme les ulama ils nous disent souvent, ils disent la science de l'islam, c'est pas juste on apprend la science pour la science. Comme si on n'apprend pas juste la science pour dire on a du ilm, on a de la science, et pour se vanter de notre science, et pour être fier de la science qu'on a, et pour s'élever au-dessus des autres, et pour dénigrer et rabaisser les autres. Celui qui apprend la science pour cette intention-là, ou dans ce but-là, il n'aura jamais de bienfait dans sa science, il ne va jamais profiter de sa science. Celui qui apprend la science, s'il pense que la science c'est juste le but, c'est d'avoir beaucoup de science, comme les koufars, hein, les koufars par exemple, ils apprennent toutes sortes de sciences, hein, ils apprennent la philosophie, des trucs comme ça, c'est juste par orgueil, arrogance, pour s'élever sur les autres, et pour dénigrer les autres, et mépriser les autres, hein. Donc ça c'est pas une science bénéfique, ça c'est pas une science bénéfique. La science bénéfique, c'est la science qui t'amène à connaître ton Créateur et à l'adorer correctement, et qui t'amène à justement être plus humble. Plus tu auras de la science d'Allah, plus tu seras humble envers les créatures. Hein? Donc ça c'est une chose très très très importante. Donc quand vous voyez des gens qui parlent de l'islam et qui se disent savants, qui se vantent eux-mêmes d'avoir du ilm, et qui se vantent d'avoir de la science devant les autres, et qui dénigrent les autres musulmans, et qui les méprisent ou se moquent d'eux, en disant qu'eux ont plus de science que les autres, si c'est ça le but, dans ce cas-là, ça ne sert à rien cette science-là. Hein? Et en même temps aussi, souvent, c'est des gens, ces gens-là qui font ça, c'est souvent des gens parmi les gens de Bid'a. Des gens qui sont sur la voie de Hizbiya et qui veulent justement utiliser juste leur science pour s'élever au-dessus des autres. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le vrai mu'min, le vrai croyant, celui qui aime Allah, qui aime la science, il aime la science pour se rapprocher d'Allah et utiliser cette science pour aider les autres et pour les sauver de l'égarement, de l'ignorance et de leur passion et ainsi de suite. Car là nous qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide à ces choses-là. Donc, le cheikh, il parle donc al-raja. Al-raja, خلق المؤمنين. والمراد به الطمع فيما عند الله عز وجل من الفضل والإحسان ومن خيري الدنيا والآخرة مع الاتيان بالأسباب. Le cheikh, il dit que l'espoir, c'est un des caractères du musulman. C'est un des traits de caractère du musulman, qu'il a de l'espoir, qu'il a l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Il espère en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comme mérite, comme grâce et comme bienfait et comme bonté parmi les bonnes choses de la dunya et les bonnes choses de l'au-delà. Et bien entendu, quelqu'un ne peut pas dire qu'il a de l'espoir en Allah, excepté s'il fait les causes nécessaires pour obtenir ce qu'il espère ou ce qu'il souhaite obtenir d'Allah. Dans le sens que si tu dis par exemple, moi j'ai espoir en Allah qu'il va me pardonner, ou j'ai espoir en Allah qu'il va me faire entrer dans son paradis, j'ai l'espoir en Allah qu'il ne va pas me châtier dans l'enfer, eh bien, c'est pas juste que tu dis ça et que tu as l'espoir dans ton cœur et que tu t'arrêtes uniquement sur l'espoir. Il faut qu'avec cet espoir, il y a des causes. C'est-à-dire qu'il faut faire des actions qui prouvent que tu mérites cet espoir-là et que tu as raison d'avoir cet espoir-là. Et donc, certains ulama ont expliqué que il y a des gens qui ont l'espoir en Allah, mais ils vivent que dans le péché. Et ils disent, moi j'ai l'espoir en Allah. Arju rahmat Allah. Ça c'est pas l'espoir ça. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça c'est pas l'espoir d'Allah. Si tu dis que c'est ça l'espoir, alors tu n'as rien compris à l'espoir. Parce que l'espoir, pour l'avoir, il faut faire les causes nécessaires, faire les bonnes œuvres et s'écarter des péchés. Donc, l'homme qui est pieux, qui obéit à Allah, wa alaykum salam, tala barakallahu fik. L'homme qui obéit à Allah, qui est pieux, qui craint Allah, lui, s'il fait le bien, il peut espérer en la miséricorde d'Allah. Ou bien l'homme qui fait des péchés, mais qui s'est repenti par la suite. Il a fait des péchés, mais ensuite il s'est repenti. Et il dit, j'ai l'espoir en Allah. Oui, dans ce cas-là, c'est correct. Pourquoi? Parce qu'il a, yani, il a fait les causes nécessaires. Mais la personne qui s'en va seulement dans son péché, dans ce cas-là, il n'a pas de l'espoir. Il a al-ghurur. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe? Al-ghurur. Al-ghurur, ça veut dire les faux espoirs. Il se trompe, il se ment à lui-même. Hein? Il s'est fait tromper par le shaitan. C'est comme si c'est des faux espoirs, comme on dit at-tamanni, ar-raja al-kadhib. C'est un espoir mensongère. Hein? C'est un faux espoir. Parce que tu n'as pas fait les causes nécessaires. Ensuite, le cheikh il dit والخوف والرجاء قرينان فلا بد أن يكون أحدهما مع الآخر فيكون العبد خائفا من الله عز وجل خائفا من عذابه راجيا رحمته. Donc on a expliqué au dernier cours par rapport à la crainte, on a dit il faut qu'il y ait l'espoir avec. Donc là maintenant on parle de l'espoir, le cheikh il dit il faut qu'il y ait avec cet espoir là la crainte aussi. Tu ne peux pas juste avoir l'espoir tout seul, puis tu dis, moi j'ai l'espoir. Parce que si tu te bases juste sur l'espoir en la miséricorde d'Allah, et en son pardon, et que tu dis, j'espère en sa miséricorde, et que tu abandonnes la crainte, eh bien tu vas commencer à faire des péchés, et tu vas dire, bon, pas grave, même si je fais des péchés, Dieu va me pardonner, hein, et tu ne crains pas son châtiment, alors... Tu continues dans le péché jusqu'à ce que peut-être que tu vas même tomber dans le kufr. Wal'iyadu billah. Donc, les deux sont des compagnons, la crainte et l'espoir. Tu ne peux pas les séparer. Hein? Il faut les deux ensemble. Donc, le serviteur, il doit craindre Allah et il doit avoir peur de son châtiment et il doit en même temps avoir l'espoir en sa miséricorde. Donc ça fait partie des caractéristiques des croyants. وقد ذكر العلماء رحمهم الله انه يغلب جانب الرجاء عند جانب الخوف على جانب الخوف عند الاحتضار لان لا يجره الخوف الى القنوط والياس من رحمه الله وهو في وقت يوضع فيه الدنيا. وقد جاء في الحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. Donc le cheikh il explique que les ulama ils ont mentionné que lorsque vient le moment de la mort, lorsque quelqu'un est proche de la mort, il doit toujours donner plus d'importance à l'aspect de l'espoir, de l'espérance en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pas que la crainte le pousse à yani, désespérer et à perdre l'espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde. Donc au moment où il est en train de dire adieu à cette dunya, il donne plus d'importance à ar-raja, l'espoir de la miséricorde d'Allah. Et le cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté par l'imam muslim qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nul d'entre vous ne meurt excepté qu'il a une bonne pensée de son Seigneur, qu'il a une bonne pensée à propos de son Seigneur. Donc tu dois au moment de la mort, penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir l'espoir en sa miséricorde. Penser du bien dans le sens que tu penses du bien dans le sens que tu espères qu'il va te faire miséricorde, qu'il va te pardonner, hein, et tu lui demandes pardon pour tes péchés et tu te repens à lui et ainsi de suite. كما يرجح جانب الجام النفس بالتقوى على جانب مرادها من يعني من شهوة جسدية أو رغبة في المال الحرام أو تقاعس عن فعل الطاعات والإقبال على المعاصي، هنا ينبغي أن يرجح جانب الخوف ليكون عاجلا للنفس، نعم ليكون علاجا للنفس، وهو ضرب من جهادها. Donc le cheikh il dit que dans les moments également dans les moments où quelqu'un il est tenté par des désirs et des tentations, des passions physiques, des désirs d'obtenir de l'argent haram ou de faire des actes de péché, ou bien lorsqu'il a de la paresse de faire des actes d'obéissance et qu'il se tourne vers les désobéissances d'Allah, dans ce cas-là, il doit mettre plus d'importance sur la crainte dans ces moments-là. Tu vois, dans les moments où la personne elle est faible devant les passions, les désirs, les péchés, il doit essayer de se rappeler plus de la crainte d'Allah pour que ça devienne comme un genre de remède pour lui, pour son âme. Hein? Et ça fait partie des sortes des catégories de djihad que tu fais contre toi-même, contre ton âme, contre tes passions. Donc ça c'est très important. Et puis il y a dans le charh de Cheikh Abdullah al-Bukhari de Al-Usul al-Thalatha, quand je l'avais écouté, j'avais pris quelques notes, et quand il parle de justement l'espoir, il mentionne qu'il y a deux formes d'espoir. L'espoir dans quelque chose que dans quelque chose que personne ne peut excepté Allah. L'espoir dans quelque chose que personne ne peut faire excepté Allah, ça c'est un raja, un espoir qui est adoration. Et dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de mettre ton espoir yani, en autre que Allah dans ces choses-là. Yani, quelque chose que personne ne peut te donner sauf Allah, ou quelque chose que personne ne peut le faire excepté Allah subhanahu wa ta'ala, si dans ces choses-là tu mets ton espoir en autre que Allah, ça c'est du shirk. Hein? Mais si tu mets, le shirk il a dit aussi, at-tam'u fi ma yaqdiru alayhi ghayru Allah, yani d'espérer ou de souhaiter quelque chose que autre que Allah est capable de te donner parmi les créatures, parce que c'est quelqu'un qui est présent, qui est là, qui peut te le donner. Dans ce cas-là, c'est permis, mais le mieux, c'est de le laisser. C'est permis, mais le mieux, c'est de le laisser, de ne pas le souhaiter, cette chose, de ne pas avoir l'espoir d'obtenir cette chose-là, de cette personne. Donc, en voulant dire que c'est préférable, mais c'est permis, mais c'est préférable de ne pas le faire, de ne pas l'avoir. Parmi les formes d'adoration que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné, il y a At-Tawakkul. At-Tawakkul aussi, ça c'est une des grandes formes d'adoration. Et ça signifie que tu mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit At-Tawakkul huwa معناه الاعتماد على الله في كل شأن من شؤونك وتفويض جميع الأمور إلى الله وحده دون سواه كما أتى في الآية الكريمة الحصر والقصر وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Le Cheikh il dit donc que التوكل c'est, ça signifie que tu te reposes en Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes tes affaires et dans toutes tes choses, et tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu dis je remets mon sort à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes mes affaires en dehors de yani des créatures, hein? Et yani comme c'est mentionné dans le verset 23 dans sourate al-Maïda, et c'est en Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes croyant. Et c'est en Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes croyant. Donc le mu'min, le croyant, il met sa confiance uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala et non pas en autre que lui. Donc le cheikh il dit إذن فالتوكل بهذا المعنى تفويض الأمور إلى الله والاعتماد عليه وحده في جلب كل مصلحة ودفع كل ضر وفيما لا يقدر عليه إلا الله. يعني عبادة من صرفها لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. Donc, le Cheikh il dit donc, التوكل, le fait de mettre sa confiance en Allah, ça signifie donc que tu t'en remets à Allah dans toutes tes affaires et yani, tu te reposes uniquement sur lui. Hein, tu reposes uniquement ta confiance en lui seul pour toute chose qui peut t'amener un bienfait ou pour repousser un mal. Dans toute chose qui peut te ramener un bienfait ou pour repousser un mal dans ce que personne ne peut faire excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce cas-là, c'est une adoration que si tu l'offres à quelqu'un d'autre, alors tu as commis une forme de shirk majeur. Donc, par exemple, si tu as peur de quelque chose ou tu souhaites un bien ou que tu as besoin de repousser un mal, ou que tu veux un bienfait quelconque, tu ne dois pas mettre ta confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala pour l'obtenir. Hein? Et tu dois souhaiter uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala de ces choses-là. Il y a des gens, par contre, qui sont musulmans, hein, ignorants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont porter des objets pour se protéger du mal sur eux-mêmes. Des porte-bonheur, hein, des gris-gris et autres, hein, des amulettes. Et il y en a qui portent des mains avec l'œil au milieu, la main de Fatma comme ils l'appellent. Ils portent ça et beaucoup de musulmans portent ça, ils pensent que ça fait partie de l'islam. Hein? Pardon? Naam, aussi les juifs. Mais je pense même que c'est les juifs qui ont ramené ça dans les pays musulmans à la base. Donc ça c'est des choses qui sont shirk, c'est du shirk. Et si tu penses que ces choses-là peuvent te protéger, te ramener un bien ou t'éloigner un mal, yani, qu'est-ce qu'il y a dans cette chose-là qui pourrait te protéger? Yani, subhanallah, c'est un morceau de métal ou un objet yani, inerte qui n'a aucun pouvoir en lui-même, ni de repousser un mal, ni de te ramener un bien. Donc tu ne mets pas ta confiance en ces choses-là. Si tu penses que ces choses-là peuvent te protéger en dehors d'Allah, eh bien, dans ce cas-là, tu as commis une forme de shirk majeur. Hein? Comme les chrétiens qui mettent des croix, par exemple, comme des porte-bonheur, ou comme des protections contre un mal. Ils pensent que la croix peut les sauver, ou peut les guérir, ou peut les aider, ou peut les protéger. Ça, c'est du shirk. Hein? Ça, c'est du shirk. Ça n'a rien à voir avec la religion des prophètes, ni de Jésus, ni de Moussa, alayhi salam, ni de Muhammad. Donc si les juifs font ça, ils ont contredit la religion de Moussa dans ce point-là. Et les chrétiens aussi, ils ont contredit la religion d'Isa alayhi salam dans le fait de prendre les croix et des choses comme ça comme porte-bonheur ou comme protection. Et ceux parmi les musulmans qui portent des gris-gris, des amulettes ou bien des mains de Fatma ou des choses de ce genre, eh bien eux aussi ils ont contredit le tawhid, ils ont contredit l'islam dans ces choses-là. Et ça c'est grave. أما ما يسمى بالاعتماد على الغير من الأحياء فيما يقدر عليه من التسبب المباح في قضاء حاجة أو دفع كربة أو تنفيس هم وغم في حدود ما يقدر عليه الإنسان فهذا لا محذور فيه إذا أنزلته بغير الله تبارك وتعالى مع الاعتقاد أن غير الله إنما هو سبب من الأسباب في قضاء الحاجات ودفع الكروبات. Donc le Cheikh il dit, en ce qui concerne ce qu'on appelle le fait de يعني, compter sur quelqu'un parmi les êtres humains dans ce qu'il est capable de faire en tant que cause permise dans le fait de le faire ou de l'obtenir, cette chose qu'on a besoin, yani, soit pour remplir un besoin ou repousser un malheur ou pour yani, nous soulager d'un souci ou des tracas, hein, ou des choses de ce genre, dans les limites de ce que l'être humain est capable de faire, il dit ça, il n'y a aucun mal là-dedans, du moment que la personne, yani, elle croit que personne autre que Allah subhanahu wa ta'ala est à la base de cette chose-là et que les, et que c'est lui qui a mis en place les causes nécessaires pour être capable de nous, nous aider dans le fait de gérer ce, ce besoin et de repousser ce mal. Que ce n'était pas la chose en elle-même qui l'a fait, mais c'est que ce n'est pas cette personne-là par elle-même qui le fait, sans, yani c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a mis là comme cause pour nous dans ce besoin-là. Et comme on l'a expliqué dans d'autres cours, c'est qu'il faut comprendre que si quelque chose est une cause, il faut que cette cause-là soit prouvée. Il faut que cette cause-là soit prouvable. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit prouvable, que cette chose est une cause prouvable dans, par la charia ou par, les, par la réalité, par les faits, hein, par le, l'observation. Dans le sens que il y a des gens, par exemple, qui vont utiliser comme une cause, quand ils sont malades, par exemple, ils vont utiliser comme une cause un médicament que le médecin a donné. Dans des choses comme ça, tu vas aller voir le médecin, tu es malade, tu vas voir le médecin, il te donne un médicament, tu l'utilises pour te guérir. C'est une cause. C'est une cause. Et cette cause, c'est Allah qui l'a créée. Donc, toi, tu le prends, ce médicament-là, tu le prends en tant que cause. Tu dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ce médicament-là comme cause pour aider à guérir cette maladie-là. Ce n'est pas le médicament par lui-même yani, qui a le pouvoir de te guérir. Hein? Ça, c'est important. Et ça, c'est prouvé. Ça, c'est prouvé par des expériences qu'on a faites qui montrent que ce médicament-là a réellement un rôle dans la guérison de ces symptômes ou de cette maladie-là dans cette personne. Parce qu'on a fait des expériences laboratoires, on a montré ça sur des tests avec des personnes, on sait que c'est réel, que c'est vrai, que ça c'est une question de cause et d'effet. Et ça, c'est Allah qui a voulu que ce soit comme ça. Hein? De la même manière qu'il a voulu que le feu brûle, hein? Ou que l'eau éteigne le feu, ou des choses comme ça. Mais si quelqu'un prend quelque chose et il n'y a aucune preuve que ça a un impact ou un effet réel, hein, comme par exemple, qu'est-ce que les gens portent comme des porte-bonheur ou des gris-gris ou des choses comme ça, hein, ou bien ils vont dire, si tu portes un collier de qu'est-ce qu'ils appellent les colliers d'oisier, je pense, d'oisier ou des colliers de bronze. Il y en a qui portent ça, des colliers de bronze, des colliers d'oisier. C'est des trucs, yani, c'est pas prouvé scientifiquement, il n'y a rien qui montre qu'il y a un lien entre ça et le fait de guérir de certaines maladies. Pourtant, il y en a qui portent ça, ils vont porter des colliers de bronze ou de cuivre ou de métal là, contre le rhumatisme ou des choses comme ça. Ou bien des colliers d'oisier. Yani, c'est comme des morceaux de bois, là. Ils portent ça dans leur cou. Ils disent ça, ça guérit ou ça protège contre telle maladie. Et ça, il n'y a pas de preuve. Hein? Il n'y a personne qui dit parmi les médecins ou les scientifiques qui disent que oui, ça c'est yani, prouvé scientifiquement que ça a un effet. Alors dans ces cas-là, yani, on n'a pas le droit de prendre ces choses-là comme un moyen, hein, pour repousser cette maladie-là ou se guérir d'une maladie ou de se garder en santé, parce que c'est pas quelque chose qui est prouvé ni par les preuves de la charia ni par les preuves de la science ou des preuves de l'expérience des médecins scientifiquement. Yani. Non, mais la charia, elle a précédence. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mentionné clairement dans un hadith, qu'il n'y a pas de remède dans ce que Allah a interdit. Il n'y a pas de remède dans ce que Allah a interdit. Donc, si des koufars utilisent, par exemple, l'alcool comme remède, yani, nous, on ne prend pas ça comme référence. Oui. Mais des fois, ce n'est pas l'alcool en lui-même qu'ils considèrent comme un remède. Ils mettent l'alcool dans le sirop, peut-être pas comme remède, mais comme un ingrédient pour dissoudre quelque chose ou des trucs comme ça. Et la posologie, c'est important de la respecter, sinon tu risques d'avoir des effets secondaires graves. Même il y a des médicaments qui peuvent te tuer si tu les prends pas correctement. Hein? Donc il faut faire attention à ça. Wallahu a'lam. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Donc ça c'est pour qu'est-ce qui a rapport avec At-Tawakkul. Hein? Donc, il faut comprendre les causes et les effets. Hein? Et des choses de ce genre, ça, si c'est dans des causes, et que si c'est pour une cause que tu le prends, que Allah a permis, et que tu le fais, tu l'utilises, cette chose ou cette personne, pour t'aider dans un problème, ou dans quelque chose de comme une maladie, ou autre chose que tu as besoin, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, tant que tu reconnais que cette chose-là, c'est une cause que Allah a créé, que Allah a voulu. Une autre adoration, c'est Ar-Rahba. Ar-Rahba, ça fait partie des formes d'adoration. Ar-Rahba, et le Cheikh il le définit en disant من أنواع العبادة الرغبة المراد بها الطمع في ما عند الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة مصحوبة ببذل الجهد في أسباب المغفرة وأسباب الرحمة وأسباب الرضا. Donc le cheikh il définit الرغبة, souvent on le traduit par l'amour. الرغبة on le traduit par l'amour, mais c'est pas la meilleure traduction, l'amour, parce que Ar-Rahba c'est plus spécifique, c'est le fait de souhaiter quelque chose, de vouloir quelque chose que Allah possède parmi les biens de la dunya et de l'au-delà. Donc c'est le fait de désirer, de souhaiter, de vouloir, d'aimer ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme bien pour nous dans la dunya et dans l'au-delà. Donc c'est comme le fait de convoiter, Ar-Rahba, c'est comme un peu le fait de convoiter ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, parce que tu sais que c'est quelque chose de bien et de bon. Donc tu le désires, cette chose, tu le veux, et tu souhaites que Allah te le donne, donc tu fais qu'est-ce qui est nécessaire pour l'obtenir. Tu fais tout ton effort. Le Cheikh dit « Mas'houbatan bibazlil juhdi ». Donc ça veut dire que ça doit être accompagné de tous tes efforts. Tu vas faire des efforts pour obtenir les causes du pardon, les causes de la miséricorde, et les causes de l'agrément d'Allah. Toute chose de bien, pour toi, il y a des causes qui sont reliées avec. Tu veux la guidance, il y a des causes pour la guidance. Tu veux la miséricorde, il y a des causes pour obtenir la miséricorde. Tu veux le pardon, il y a des causes pour le pardon. Chaque chose que tu veux d'Allah, il y a toujours des causes qui sont reliées. Et ces causes-là sont toujours rattachées à l'adoration, et à la piété, et à la foi, et à l'obéissance d'Allah, et au bien. Donc tu sais, si tu veux quelque chose d'Allah, tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Il ne faut pas faire semblant qu'on ne sait pas. Des fois, on fait semblant qu'on ne sait pas ce que Allah veut de nous. Et on veut quelque chose d'Allah, puis on fait comme si on ne savait pas ce qu'il fallait faire pour l'obtenir. C'est pas correct. Et des fois, qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que on sait ce qu'on doit faire pour que Allah soit satisfait de nous. Et on sait ce qu'on est supposé de faire pour que Allah nous aime. Mais à chaque fois, on dirait qu'il y a quelque chose qui nous retient d'aller jusqu'au bout, de faire ce que Allah nous demande. Donc ça, c'est souvent c'est des épreuves, c'est le shaitan qui nous retient comme ça d'aller jusqu'au bout de son obéissance. Asbab, c'est le pluriel de sabab. Et sabab, ça veut dire une cause ou un moyen. Hein? Sababun. Sabab, c'est le singulier. Asbabun, c'est le pluriel. Naam. Ensuite, il y a al-rahba. Al-rahba. الرهبة الشيخ الزيه وهي شدة الخوف من عقوبة الله تبارك وتعالى العاجلة والآجلة فمن صرف منها شيئا لغير الله تبارك وتعالى فقد كفر أو أشرك لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده أن يصرفوا هاتين العبادتين الجليلتين لأحد سواه. Donc, ar-rahba, ça rentre aussi dans la crainte. Ça rentre aussi dans la crainte. C'est une autre forme de crainte. Et c'est le fait d'avoir peur, une très grande peur du châtiment d'Allah. Le châtiment, soit dans cette vie d'ici-bas, ou dans l'au-delà. Hein? Donc, il ne faut pas oublier que, parce que des fois, les gens pensent que le châtiment d'Allah, c'est toujours dans l'enfer ou dans la vie après la mort. Soit dans la tombe ou dans l'enfer, mais il y a aussi des châtiments même qui peuvent tomber sur les serviteurs dans cette vie d'ici-bas aussi. Hein? Et combien d'exemples on a de ça dans le Coran, des peuples qui ont été punis par Allah dans cette vie avant l'au-delà. C'est comme on a dit al-khawf, al-rahba, et puis il y a aussi al-khashya. C'est trois termes qui sont semblables. Qui peuvent tout avoir c'est presque des synonymes qui veulent dire par exemple des choses très proches l'une de l'autre qui ont rapport avec la peur et la crainte d'Allah. Hein? Et yani le cheikh il mentionne dans le cheikh Ibn Uthaymin il mentionne par rapport à ça que ar-rahba c'est relié toujours avec une action. Comme si ar-rahba, c'est la crainte, mais reliée avec le fait de s'enfuir de ce qui risque de nous faire être punis par Allah. Donc tu as la crainte et en même temps tu t'écartes de ce que Allah t'a interdit. Ça c'est ar-rahba. Donc le cheikh il dit que si quelqu'un offre cette forme d'adoration là à autre que Allah, comme par exemple Walaykum salam wa rahmatullah. Comme si quelqu'un, par exemple, il craint. Walaykum salam wa rahmatullah. Si quelqu'un, il craint autre que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, eh bien ça, c'est une forme d'adoration qu'il a offert à autre que Allah, ça devient une forme de shirk et de kufr. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il n'agrée pas que ses serviteurs offrent ces adorations-là, hein, ces deux grandes adorations-là, à autre que lui. وقد مدح الله تبارك وتعالى رسله وأنبياءه في سورة الأنبياء حيث ابتدأ ذكرهم بإبراهيم عليه السلام وفي ختم القصص قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والرهبة محلهما القلوب أي قلوب العباد. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des croyants et de ses prophètes dans Surat Al-Anbiya, et quand il a parlé des prophètes il a commencé à mentionner les prophètes en commençant par Ibrahim alayhi salam, et il a terminé l'histoire des prophètes en disant à la fin que yani, ils étaient tous parmi ceux qui se précipitaient vers le bien et qui nous invoquaient avec amour, avec crainte, et ils étaient humbles envers nous. Donc ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala avec amour et avec crainte. Donc ces deux adorations, le cheikh dit, ces deux adorations-là sont dans le cœur à la base. C'est des adorations du cœur, dans le cœur des croyants. Ensuite, le cheikh, il parle de al-khushu' ou al-khashya. Al-khushu', on le traduit souvent par l'humilité. L'humilité, le fait d'être humble envers Allah et de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, d'être humble, de se rabaisser, de s'humilier devant lui. Et al-khashya, c'est la crainte aussi, encore une fois. Sauf que c'est une crainte qui est attachée à la science et au respect. C'est une crainte qui est accompagnée de science, de connaissance. C'est-à-dire tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu le crains. Et tu le crains aussi avec du respect. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Al-Qur'an, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Donc, c'est seulement les ulama qui craignent Allah, les savants qui craignent réellement Allah, qui ont al-khashya pour Allah. C'est-à-dire, al-khashya, ils ont une crainte d'Allah, mais c'est parce qu'ils ont de la science qu'ils ont cette crainte-là. L'ignorant, il ne peut pas craindre Allah comme le savant. La personne qui est ignorante d'Allah ne peut pas craindre Allah comme le savant, celui qui connaît Allah beaucoup avec les preuves et qui connaît Allah avec sa révélation. Lui, il craint Allah beaucoup plus que l'ignorant. Donc c'est pour ça. Et le cheikh il dit donc kilahuma bima'na tadallul lillah. Donc les deux, al-khushu', l'humilité, et al-khashya, les deux, ils ont aussi le sens du fait de s'humilier, de se rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-inqiyadu lahu zahiran wa batinan. C'est-à-dire de se soumettre à Allah en apparence et intérieurement aussi. Ma'a kamalil hubbi lillahi tabaraka wa ta'ala. Avec l'amour complet et total d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il explique donc, comme on a dit, que al-khushu' ou al-khashya, kilahuma bima'na tadallul lillahi azza wa jal, wa l'inqiyadu lahu zahiran wa batinan ma'a kamalil hubbi lillahi tabaraka wa ta'ala. Donc al-khushu' comme on a expliqué, c'est le fait d'être humble envers Allah, de s'humilier, de se rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant sa grandeur, devant sa toute-puissance. Et donc ça c'est parmi les formes d'adoration, d'être humble envers Allah, contrairement aux kuffars qui ont l'arrogance, la fierté, qui veulent s'élever devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui refusent de s'humilier devant lui, qui refusent de se prosterner devant lui, qui refusent de baisser la tête devant lui, qui refusent de s'incliner devant sa grandeur. Donc ça c'est un exemple. Et al-khashya, c'est la même chose aussi. C'est une crainte révérentielle, une crainte d'adoration, une crainte qui est basée, comme on a dit, sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de se soumettre à Allah intérieurement et extérieurement, tout en ayant un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, un amour complet pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite, وَلِهَذَا فَرَّقَ الْعُلَمَاءَ بَيْنَ الْخَشْيَةِ وَالْخَوْفِ فَقَالُوا إِنَّ الْخَشْيَةَ خَوْفٌ مَصْحُوبٌ بِالتَّعْظِيمِ بَيْنَمَا الْخَوْفُ قَدْ يَكُونُ مَعَهُ تَعْظِيمٌ وَقَدْ لَا يَكُونُ مَعَهُ تَعْظِيمٌ وَهَذَا حَقٌّ فَقَدْ يَخَافُ الْإِنْسَانُ مِنْ عَدُوٍّ فخوفه من العدو مجرد من التعظيم وقد يخاف من سبع فخوفه منه مجرد من التعظيم له ولكن الخشية لا تطلق إلا مصحوبة بالتعظيم. Donc le cheikh il dit que c'est pourquoi les savants ont distingué entre le terme en arabe khashya et le terme khawf. Les deux sont traduits en français par la crainte. Mais il y a une subtilité entre les deux. Les deux n'ont pas exactement la même signification. Al-khashya, c'est une crainte qui est accompagnée de respect, comme on a dit. Tandis que la crainte, hein, la peur, al-khawf, ça se peut qu'il y ait avec, ça se peut qu'il y ait du respect avec, mais c'est pas nécessaire qu'il y ait, hein, à chaque fois du respect avec. Tu peux avoir peur de ton ennemi sans avoir du respect pour lui. Tu peux avoir peur d'un animal sauvage sans avoir du respect pour cet animal. Tandis que al-khashya, ça c'est uniquement une crainte lorsqu'elle est accompagnée de respect, lorsqu'elle est accompagnée, hein, de respect et de science, de connaissance. Donc il dit, pour montrer le point, il mentionne le fait que les anges, hein, sont décrits par Allah subhanahu wa ta'ala comme ayant al-khashya, hein, le verset 28 dans Surat al-Anbiya, « وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ » Hein, que les anges, malaikatul kiram, yani hum min khashyatihi mushfiqun, c'est-à-dire les anges sont remplis de crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sourate Fatir, le verset 28, on l'a mentionné tout à l'heure, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, c'est uniquement ceux parmi les serviteurs d'Allah qui ont la science qui le craignent réellement, hein. Donc c'est une crainte, mais qui est basée sur une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment l'ignorant pourrait-il craindre Allah? Il peut le craindre, mais sa crainte, elle est limitée, elle est restreinte par rapport à la crainte du savant. Parce que le savant, il craint Allah avec connaissance. Hein? Donc, il va s'abstenir des choses qui sont haram, il va faire ce qui est obligatoire. Mais celui qui ne connaît pas Allah et qui ne connaît pas sa religion, parfois il va faire des choses haram, il ne sait même pas que c'est haram. Et parfois il va s'abstenir de faire des bonnes choses parce qu'il ne sait même pas que c'est ordonné par Allah de faire ces choses-là. Donc à cause de son ignorance, il ne craint pas Allah de la même manière que le savant. Hein? Ou peut-être même à cause de son ignorance, il va faire des choses que lui pense que Allah aime, alors que ce sont des choses interdites ou que ce sont des choses innovées. Et il va adorer Allah par ces choses-là à cause de son ignorance. Et dans ce cas-là, il tombe dans quelque chose de plus grave encore. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est important de craindre Allah, mais de le craindre avec connaissance. Hein? Pas n'importe comment. Et le cheikh, il dit, « Hey, ulama ou shara. » Yani, « Inna ma yakhsha Allah min ibadihi l'ulama, ulama ou shara. Wal ulama bi kitab Allah. » وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام العاملون بذلك لما كان صرفهما لغير الله شرك حذر الله تبارك وتعالى من ذلك بقوله فلا تخشوهم واخشون واخشوني يعني. Donc Cheikh il dit que les ulama dont on parle, les savants dont on parle qui craignent Allah, ce ne sont pas n'importe quels savants, ce sont les savants de la charia, les savants de l'islam, les savants du livre d'Allah et de la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui appliquent cette science. Hein? Et c'est ça le sting du fait que ce sont des savants, c'est qu'ils appliquent la science qu'ils possèdent. Et il dit, et également du fait que si tu offres cette adoration-là à autre que Allah, eh bien, tu as commis une forme de shirk. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a averti contre le fait de craindre autre que lui et d'avoir peur d'autre que lui. Hein? Alors il a dit, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنَ, c'est-à-dire, n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi. Hein? Donc c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut avoir peur. Et on n'a pas le droit d'avoir peur d'autre que lui. Et on a parlé dans le premier exemple, on a parlé de l'khawf, on a mentionné les formes de peur, la forme de peur qui est shirk. Hein? Quand tu as peur d'une idole, tu as peur de quelque chose qui n'a aucun pouvoir réel, hein? Et tu en as peur comme si tu crains que cette chose-là pourrait te faire un tort ou un mal. Tu as peur des idoles des mushrikin et des choses qu'ils adorent en dehors d'Allah. Yani, tu penses qu'ils peuvent te faire un mal ou des choses de ce genre si tu les critiques ou si tu les dénonces, eh bien, ça c'est une forme de shirk, une forme de shirk majeur, un shirk dans la crainte. Et on a mentionné une forme de crainte aussi qui est haram, c'est-à-dire quand tu as peur yani des créatures dans ce que Allah a ordonné et tu as peur d'eux au point que tu vas abandonner ce que Allah t'a ordonné de faire pour yani les satisfaire. C'est comme si tu mettais yani le mal de ces créatures là à égalité avec le châtiment d'Allah. Donc tu dis, puisque les koufars ils vont me faire du mal si je pratique ce que Allah m'a ordonné, donc je vais abandonner ce que Allah m'a ordonné pour éviter d'avoir un problème avec les ennemis d'Allah. Donc ça c'est un problème, parce que ça veut dire que pour toi les créatures méritent plus que tu les craignes que ton créateur. T'as plus peur des créatures que du créateur. T'as commis un péché dans ce cas-là, hein, surtout dans des choses comme ça. Parce que ça, c'est des, ça a rapport avec la religion. Et le musulman, il ne doit pas faire de compromis dans les principes de sa religion et dans sa pratique religieuse. Et ça, c'est très important. Ça rentre dans la crainte. Et surtout par rapport à ce qui se passe maintenant, quand on entend, par exemple, dans les médias que les koufars, par exemple, veulent des musulmans qu'ils abandonnent la pratique de leur religion en apparence et qu'ils cessent de pratiquer des signes apparents de l'islam, hein? Et eux, ils appellent ça des signes ostentatoires. Nous, on sait que l'ostentation, c'est quelque chose qui est dans le cœur. C'est pas quelque chose qui est dans les actions. L'ostentation, c'est quand tu fais ta prière, tu pries de, yani dans quelque part, tu pries, puis tu embellis ta prière pour que yani les gens te glorifient parce que tu vois qu'ils te regardent. Ou quand tu fais une action et que tu sais que les gens te regardent, tu veux que les gens te glorifient dans cette action-là, alors tu embellis ton action ou tu essaies de le faire d'une façon pour que yani ils te fassent des éloges dans cette action-là. Ça, c'est de l'ostentation. Mais si tu pratiques ta religion et tu es fier de ta religion et tu montes ta pratique religieuse, ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu le fais devant les gens que automatiquement dans ton cœur, tu le fais pour eux. Hein? Il faut pas mélanger les choses. L'ostentation, comme quand, par exemple, une femme musulmane, quand elle porte son djilbab ou quand elle se voile dehors, c'est pas parce qu'elle veut yani, se montrer devant les gens pour dire « Moi, regardez, je suis une bonne musulmane, regardez comment je me voile bien. » Si c'est ça son intention, c'est sûr qu'elle n'aura pas de récompense d'Allah. Parce qu'elle fait ça par riya. C'est ça qu'on appelle l'ostentation en islam, c'est le riya. C'est le shirk al-asrar, une forme de shirk mineur. Que tu fais une action pour que les gens te voient, pour que les gens te glorifient, les gens te disent du bien de toi. Mais si c'est des choses qui sont obligatoires et que tu les fais et qui sont des choses apparentes, ça fait partie de ta religion, tu dois en être fier et tu ne dois pas te cacher pour les faire, ces choses-là. Et ça n'a pas rapport avec l'ostentation. Même que le fait de cesser de les faire par crainte d'ostentation, ça devient une forme d'ostentation, ça aussi. Et quand tu t'abstiens de faire ce que Allah t'ordonne de faire par crainte d'ostentation, eh bien, ça devient une ostentation. Hein? Donc, dans ce cas-là, il faut donc appliquer ce que Allah t'a ordonné et être fier de ta religion, surtout devant les non-musulmans. Hein? Tu ne dois pas en avoir honte. Donc, eux, ils font du bruit avec ça aujourd'hui. Et là, tu vois beaucoup de musulmans, malheureusement, ils vont dire, « Bon, moi, si je pratique ma religion, je vais avoir des problèmes avec les koufars, ils ne vont pas m'aimer, ils ne vont pas me donner un poste, ils ne vont pas m'engager, ils ne vont pas faire ci, ils ne vont pas faire ça. Eux, ils veulent la laïcité, donc moi, je vais me taire. Je vais me cacher ma religion, je vais garder ça secret. Personne ne va savoir que je suis musulman, sauf Allah, comme ils disent. » Mais ça, ce n'est pas correct. Hein? Parce que le musulman, il pratique sa religion normale et il n'a pas peur de personne dans ce qui a rapport avec sa foi et sa pratique religieuse. Hein? Et les savants de l'islam, dans tous les madhahibs, que ce soit le madhhab de l'imam Abu Hanifa, ou Malik, ou Shafi'i, ou Ahmad, dans les principes du fiqh, ils ont expliqué l'obligation du musulman de quitter un endroit où on lui interdit sa pratique religieuse apparente et d'aller vivre dans un autre endroit où on lui donne la liberté de pratiquer sa religion en apparence. Parce que là, pour le musulman, sa religion est plus importante pour lui que l'eau qu'il boit et que l'air qu'il respire ou que la nourriture qu'il mange. sa foi, sa religion, c'est plus important pour lui que ça. Donc, il ne va pas faire de compromis dans sa foi, dans sa religion, dans sa conviction, dans ses principes, dans ses valeurs, les valeurs islamiques. Hein? Il ne va pas mettre la parole des hommes au-dessus de la parole d'Allah, il met la parole d'Allah au-dessus de la parole de quiconque, peu importe qui il est. Donc ça, c'est des choses importantes, et il faut craindre Allah plus que les créatures. Il ne faut pas avoir peur des créatures dans ces choses-là, parce que c'est qui notre créateur? C'est Allah. C'est qui nous a donné l'air qu'on respire? C'est Allah. C'est qui nous a donné l'eau qu'on boit? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est qui nous donne notre risque? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut mettre notre confiance en Allah et non pas en les créatures. Ayant dit ça, maintenant, je pense qu'on va s'arrêter ici. Et puis, on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine pour la suite du cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين